Dans ce 19e épisode, et non pas 18e comme dit dans le podcast, je vous donne des conseils pour passer le temps quand on attend une réponse importante. Alors, bonne écoute! Bienvenue dans le podcast du blog moptimise.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Moptimise. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment passer le temps quand on attend une réponse importante. Mais d'abord, je vais vous rappeler que le podcast en est maintenant à 18 numéros. Qu'il y a donc eu plusieurs numéros avant, donc n'hésitez pas à aller les voir. Le dernier numéro était celui sur la loi d'Illich, qui est une des lois de productivité qui dit qu'au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine diminue jusqu'à devenir négative. Je vous incite également à aller écouter le podcast ReLife auquel je participe. On en est au deuxième épisode après avoir parlé de rangement et de uncluttering. Nous avons parlé parentalité avec Priscille Livenet du podcast Productivio. Un épisode très très intéressant, donc je vous engage à aller l'écouter. Et également, sur le podcast Moptimise, je voudrais faire un grand merci à Nicolas93 qui a mis 5 étoiles sur iTunes le 2 novembre, avec un titre qui dit « J'adore » et qui dit « Un podcast qui s'écoute très facilement grâce à son format assez court, contenu toujours intéressant, continue ». Donc un grand merci à toi Nicolas. Et donc on va continuer avec le sujet d'aujourd'hui qui est tiré d'un article du site Lifehacker, qui est un article en anglais, qui donne 6 conseils pour passer le temps quand on attend une réponse importante. Ça nous est tous arrivé d'attendre des résultats d'élections. On est en pleine période électorale, que ce soit aux États-Unis ou en France. D'attendre des résultats d'un examen, que ce soit un examen médical ou que ce soit un examen, je dirais, plus scolaire. Qu'on attende le retour d'un email avec des mauvaises nouvelles et qu'on craint un petit peu la réponse du destinataire, ou même chose si on a laissé un message sur un répondeur, donc, ou même qu'on attend simplement un rendez-vous important, c'est à ce moment-là que le temps nous paraît le plus long, que les minutes passent le plus lentement, voire même les secondes. Et donc, dans ce cas-là, c'est toujours bien de faire 2-3 petites choses pour essayer de faire passer le temps et de se détendre un petit peu. Donc le premier conseil, s'il s'agit de profiter du support de vos amis, ça peut être le bon moment pour échanger des liens, des images, des vidéos, des gifs animés, amusants avec vos amis. Faites un concours à celui qui sortira l'élément le plus amusant pour les autres. Voilà, c'est un bon moyen d'avoir le support de vos amis et n'hésitez pas à rendre l'appareil quand un de vos amis est dans cette situation-là. N'hésitez pas à faire ce que vous pouvez, voilà, pour participer et pour essayer de lui changer les idées. De la même façon, quand on attend une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est toujours plus agréable de se sentir accompagné. Donc essayez de voir si vous n'avez pas une connaissance, un ami, quelqu'un de la famille qui serait disponible pour vous accompagner, pour recevoir la nouvelle. Donc c'était les deux conseils profitant du support de vos amis ou de votre famille. Le deuxième conseil, c'est méditer. Donc c'est des choses dont on a déjà beaucoup parlé. Je vais vous renvoyer, je vous mettrai un lien dans les notes de l'émission vers le Nip Life numéro 28, où on avait donné des bases sur la méditation. Il y a également un très bon podcast qui a commencé depuis quelques mois maintenant, qui est Nip Médite, qui fait partie du réseau Nipcast avec Nip Tech, Nip Dev, Nip Edu et autres. Donc il y a Nip Médite, donc c'est un podcast aussi où vous pourrez avoir des conseils et des petites méditations pendant le podcast. Pour ceux qui aiment bien les services web, les applications, Je peux vous recommander l'application Headspace et l'application Calm, qui sont deux applications qui sont en anglais, qui vont vous proposer des méditations guidées, qui vont vous proposer quelques méditations gratuites et qui après vous inciteront à vous abonner. Donc là, ce sont des services en anglais. Pour ceux qui préfèrent un service en français, il y a le site Petit Bambou et l'application qui va avec, donc qui vous propose des méditations en français. Le troisième conseil donné par le site Lifehacker, c'est de faire un exercice physique. Ça permet de réduire les hormones du stress et ça permet justement de produire les hormones qui servent à la relaxation. Le quatrième point, ce qui est toujours embêtant quand on attend une nouvelle comme ça, c'est qu'on contrôle pas forcément le temps, le timing ou le résultat. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose que vous pouvez contrôler pour pouvoir contrebalancer cette attente. Souvent, assez instinctivement, c'est le moment où on en profite pour ranger la maison, pour bricoler, pour faire plein de choses comme ça, pour faire passer le temps et pour contrôler quelque chose. Le cinquième point, qui est quelque chose de typiquement américain ou anglophone, c'est de faire du volontariat, ce qui va permettre de changer un petit peu le focus sur le fait d'aider les autres et ça évite d'être un petit peu moins centré sur soi. Et donc le dernier conseil, il s'agit de toujours prendre soin de soi, ne pas oublier de se nourrir, ne pas oublier de dormir comme il faut, dans la mesure où c'est possible. Je sais que souvent quand on attend une nouvelle bonne ou mauvaise, c'est assez difficile de dormir, mais il faut réussir à dormir pour pouvoir être en forme et pour pouvoir aussi supporter la réponse qu'on attend. Après, on a des derniers conseils qui sont sur les choses à ne pas faire. Donc pour vous détendre, la boisson et l'alcool ne sont pas des choses idéal. Vous allez surtout vous en mordre les doigts le lendemain. Il faut aussi éviter de reporter sa frustration sur les autres. C'est aussi quelque chose. Il faut travailler sur soi là-dessus, parce que sinon, autant on vous dit de profiter du support de vos amis. Si par contre vous reportez votre frustration sur les amis qui sont venus vous aider, ils n'auront plus envie de vous aider la prochaine fois. Et également éviter de prendre de trop grandes décisions dans ce moment-là. On est clairement pas dans un moment où l'esprit est suffisamment clair et où on a suffisamment de recul pour pouvoir prendre de grandes décisions. On peut prendre des petites décisions, mais les grandes décisions importantes, vaut mieux attendre d'avoir la réponse qu'on attend. Et donc en conclusion, il faut toujours rester positif dans ces cas-là, faire passer le temps, diminuer le stress, prendre soin de soi, rester positif, faire un petit peu d'exercice physique, faire des choses qu'on peut contrôler. Ce sont tous les points, tous les conseils que le site Lifehacker vous donne pour pouvoir passer le temps quand on attend une réponse importante. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager cette émission et à venir commenter, à dire ce que vous faites précisément quand vous êtes dans ce cas-là à attendre une réponse importante, à attendre un résultat, à attendre un rendez-vous. Donc moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais vous dire à très bientôt dans un nouvel épisode de M'Optimise et dans le podcast ReLife. Au revoir.